Mioshi mioshi meme miele tabako na Global Express Dénité le baromètre. Savez-vous que lorsqu'un seul être vous manque, tout est débeuplé. Suivez mon regard. Zimmer Mouteba, Piwago l'industriel, Godego Bienga, Mère Torsi, Mazato. Kaembe Chetemba, confort exigé. Eric Ndala, Richard Kabala. Colonel Bakala, papa Ndele. Marcelin Dilomba, merci. Maman, tu veux m'entendre, Montana Katumbaya.